2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h, sur Prune 92 FM. Boum boum. Musique française et francophone curieuse, tous les mercredis soirs à 22h sur Prune 92 FM. Une émission, vous l'avez sans doute constaté depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois même, que l'on n'a plus l'occasion d'enregistrer en direct pour des raisons professionnelles. Alors voilà, on vous l'annonce officiellement ce soir, même si c'est dans les tuyaux depuis longtemps déjà. On va anticiper un petit peu la fin de cette 8e saison. Il nous reste 2 émissions, celle de ce soir, celle de la semaine prochaine, mais aussi et surtout une soirée, le vendredi 22 avril, soirée de conclusion de notre 8e saison. J'ai le plaisir d'inviter à jouer avec moi derrière les platines Jim Airy, DJ déjanté du label et collectif parisien Disco Matin. Pour les 2 dernières émissions, c'est nous qui nous en occupons, évidemment. La semaine prochaine, ce sera Jim Airy. Ce soir, c'est moi avec la diffusion ou la rediffusion, pour être précis, d'un podcast que j'ai enregistré pour l'ami Romain FX et son show Crate Hunter. C'était il y a quelques semaines pour Bangkok Community Radio, une heure de New Beat et d'Euro House française et francophone, 1h20 même, ce sera la version non coupée si vous nous écoutez en différé sur le podcast. La semaine prochaine, c'est Jim Airy qui prendra le contrôle de la dernière émission de la saison. Et donc, le vendredi 22 avril, dans 10 jours, on se retrouve au rond-point dès 22h, prix libre, pour la dernière teuf de la saison. En attendant, en espérant de se retrouver sans doute dès le mois d'octobre pour une 9e saison de musique française et francophone curieuse. C'est Boum Bomo, à bientôt, bonne écoute. Thank you. d'une cassette de la vedette. J'apprends les mots que je répète. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'écoute une cassette de la vedette. J'apprends les mots que je répète. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour vivre

Let's go. Bye.

Faire l'amour dans un ascenseur. Faire l'amour.